salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour le Top 50 2018. Vous allez pouvoir écouter les meilleures chansons de l'année écoulée, réparties en 5 émissions, diffusées pendant 5 jours. On démarre ce Top 50 2018 par les places 50, 49 et 48. On le retrouve dans l'ordre les Britanniques Snow Patrol et leur titre Don't Give In, les Californiens Shannon and the Clamps avec Backstreets et les Anglais Blood Red Shoes qui nous interprètent Call Me Up Victoria. Don't give in, no you dare quit so easy, give up. You got on the soul, don't say that you want it forever. I know, I know. It's in your blood and it's in your making. So don't hold your tongue, cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct like an old lesson learned. Like an old lesson learned. Only you know what it is to see through. See through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up your mind. Don't give in. Don't you dare quit so easy. Give up. Loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll fuck up your mind. It'll fuck up your mind. But this is all on the wings of others. I loved you more in your own flight. So it ain't the same. It won't be lost forever. It won't be lost forever. Don't give in. Don't you dare quit so easy. Give up. I don't know why this is your grace, and I don't know why, and I don't know why. So easy, give up. Then you got on the soul. Don't 47e position, nous retrouvons l'américaine Madeline Kenny avec Cut Me Off. Ensuite, 46e, le groupe de blues créole Deldress et le titre Mojo D. À la 45e place, les américains Skating Pauly nous interprètent Free Will at Ease. Wait. Les morceaux dits. Moi j'avais ses sangs en moins. Le Britannique Ten Tons se classe 44e avec Give. À la 43e place, nous retrouvons les Français Le Super Omar et leur Springtime. Trees, the humming bee. écoute maintenant les deux derniers groupes du jour, The Corals et The Cooks, tous deux britanniques, et respectivement à la 42e place avec Eyes Like Pearls et à la 41e place avec Four Leaf Clover. Now my troubles seem far away from me. fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à la même heure pour la suite du Top 50 2018. Salut !